la fête du livre. Voyons, c'était café de merde sous le grand chapiteau de la fête du livre, place de l'hôtel de ville. On voulait pincher les auteurs et on s'est fait écratouiller les agotiots. Bichette, on était acquichonnés comme des sardines, beau seigne. Quand on a pu s'en sauver de ce cuchon de merde, on a été tout mouillé de chaud, forcément. Pensez, on a grimpillé les escaliers dans la mairie, du côté de l'homme de bronze, qui, comme d'habitude, brogeait sur tous ces gogos qui se dégibattaient comme des bazus. Et on a été s'abriger quelques minutes, ça l'Aristide Brière, ça a bien fait du bien. Nos matrues commençaient à bouliquer et à quiner. Alors, et on a traversé le magique mirror de Gengio pour monter à Jocor. Là, les bursous étaient flambenaises. Ils ont peinturé un mur et écouté tout plein des contes à Chapelon. Après, on s'en est retourné, fatigué, tout malibalin, à la maison.